50 languages. 6. 6. 6. القراءة والكتابة. Lire et écrire. Lire et écrire. أنا أقرأ. Je lis. Je lis. أقرأ حرفا. Je lis une lettre. Je lis une lettre. أقرأ كلمة. Je lis un mot. Je lis un mot. أقرأ جملة. Je lis une phrase. Je lis une phrase. أقرأ رسالة. Je lis une lettre. Je lis une lettre. أقرأ كتابا. Je lis un livre. Je lis un livre. أنا أقرأ. Je lis. Je lis. أنت تقرأ. أنت تقرأين. Tu lis. Tu lis. هو يقرأ. Il lit. Il lit. أنا أكتب. J'écris. J'écris. أكتب حرفا. J'écris une lettre. J'écris une lettre. أكتب كلمة. J'écris un mot. J'écris un mot. أكتب جملة. J'écris une phrase. J'écris une phrase. أكتب رسالة. J'écris une lettre. J'écris une lettre. أكتب كتابا. J'écris un livre. J'écris un livre. أنا أكتب. J'écris. J'écris. أنت تكتب. أنت تكتبين. Tu écris. Tu écris. هو يكتب. Il écrit. Il écrit.